Como la salsa de pomodoro, chéri je t'aime, chéri je t'adore, como la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, Ana va heba, ya Mustafa, sabas en infelatari, pero aquí dina shema sin. Da'ala ya Mustafa, ya ibn Sarhan, تعمير عجمي ولف على الجيران وما يجي كيفو كيفو يشرب على كيفو كيفو وما يجي كيفو كيفو يشرب على كيفو كيفو يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى سبع سنين في العتاب دلوقتي جينا شماسين Quand je t'ai vu sur le balcon pas de façon quand je t'ai vu sur le balcon tu m'as dit monte et ne fais pas de façon chérie je t'aime chérie je t'adore como la salsa del pomodoro chérie je t'aime chérie je t'adore como la salsa del pomodoro ya Mustafa a la bajeta ya Mustafa Saba se ninfe atari De lo achigina shemasim Tu m'as allumé avec une allumette Et tu m'as fait perdre la tête Tu m'as allumé avec une allumette Et tu m'as fait perdre la tête Chérie je t'aime, chérie je t'adore Como la salsa del pomodoro Chérie je t'aime, chérie je t'adore Como la salsa del pomodoro ya Mustafa, a la bajeta ya Mustafa Saba se ninte la tali De la tiguina che maxi Dale Mustafa!